Oui, parce qu'il y a, il y a plusieurs définitions, hein, évidemment. Donc moi, j'en donne une dans mon livre qui est assez précise et qui est la mienne. C'est en fait ce que j'appelle l'oligarchie mondialiste, qui sont les élites d'argent, qui, moi, je date ça à partir du milieu du XVIIIe siècle, travaillent en fait à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial et l'avènement d'un gouvernement mondial, donc d'une oligarchie qui règne sur l'argent, notamment à travers le pouvoir bancaire, sur l'ensemble des peuples, et par, on dirait, en gros, par l'abolition des indépendances nationales. Voilà. Donc pour moi, l'Empire, c'est ça. Ben moi, je dis bien que c'est une domination essentiellement par le mensonge et la manipulation et la corruption. Hein. Ça rejoint d'ailleurs l'idée un peu du complot, parce que les complots, ça existe, c'est-à-dire c'est une tentative d'accomplir un projet. En le cachant au peuple, hein, et au nom de d'autres raisons. C'est-à-dire qu'en réalité, on essaye d'amener aujourd'hui un gouvernement mondial au nom de la crise économique et au nom d'une expertise économique mondiale dont par exemple le patron du FMI, Strauss-Kahn, qui a beaucoup de sens par rapport aux Français, puisque c'est un Français, serait un des représentants, alors que je démontre dans mon livre que cette crise économique est provoquée par cette oligarchie mondiale pour en fait justifier sa prise de pouvoir. Hein. C'est-à-dire que c'est une tentative de prise de pouvoir par le mensonge. Le projet n'est jamais énoncé clairement. Hein. Et c'est pareil à tous les échelons. L'Union européenne fait partie de ce projet de domination oligarchique. C'est l'avant-dernière étape avant le gouvernement mondial, le gouvernement européen, on va dire. Et ça se fait toujours sous des raisons mensongères. Hein, on fait croire que c'est pour aider l'unité des peuples, que c'est pour améliorer la qualité de vie, c'est pour contrôler l'inflation, alors qu'en réalité, c'est une entreprise de domination dont le but est quand même clairement de mettre en fait la totalité des peuples, je dirais, en esclavage sous le pouvoir de la banque et en général pas pour leur spécialement pour leur bien-être. Hein. On voit que ça passe par des restrictions de liberté, des restrictions de pouvoir d'achat, des augmentations de lois policières, etc., etc. Hein, voilà. Ça ressemble un peu, je dis dans le livre, à l'URSS à l'envers, d'une certaine manière. Moi, je suis français, j'écris ce livre en français et d'abord pour les Français. C'est qu'en France, nous avons une situation très particulière, qui ressemble à assez peu de pays au monde. C'est que nous sommes un pays qui avons inventé les droits de l'homme, ce qui est assez ambigu, mais il faut l'assumer, hein. Nous avons inventé les droits de l'homme. Nous sommes un pays qui a eu une épopée coloniale. Et donc, nous sommes un pays qui a, sur son territoire, pour des raisons X et Y, une communauté majoritairement, on va dire, chrétienne, mais chrétienne laïcisée, mais aussi une très grande communauté aujourd'hui de musulmans, et aussi la communauté juive la plus importante d'Europe. Hein. Les échelles, effectivement, on est un pays aujourd'hui de 60 millions d'habitants. On peut imaginer qu'il y a au bas mot 7 millions de musulmans et 700 000 juifs, ce qui est beaucoup, puisqu'il n'y en a que 40 000 en Espagne, 40 000 en Italie, et que même l'Angleterre, qui est un pays à forte présence juive, n'en a pas la moitié de ce que nous en avons. Donc nous sommes vraiment. Nous avons la plus grande communauté juive d'Europe de très loin. Voilà. Donc nous avons beaucoup sur notre territoire, beaucoup de juifs, beaucoup de musulmans et bon des Français chrétiens mais déchristianisés. Hein, voilà. Les droits de l'homme à mon avis étant une sécularisation du christianisme et le choc de civilisation qui essaye de faire croire à une menace djihadique planétaire et à une défense de l'Occident judéo-chrétien face à une agression musulmane, alors qu'en réalité, sur le terrain, et si on est un peu sérieux, c'est exactement l'inverse, et ben, ce choc de civilisation qui est voulu par les néoconservateurs américains est très dangereux pour la France, parce qu'aux États-Unis, ça justifie un impérialisme et un néocolonialisme lointain, mais en France, ça entraîne quelque chose de l'ordre de la guerre civile. Hein, voilà. C'est pour ça que moi, j'insiste vraiment sur le danger de ce piège du choc de civilisation, parce que ça créerait en France. Si les Français tombaient dans ce piège, dans lequel les médias, les politiques, de façon sournoise, essayent de nous faire tomber tous les jours à travers la diabolisation des musulmans et des amalgames qu'on pourra préciser après, voilà, si ce choc des civilisations, les Français se mettaient vraiment à y croire jusqu'au bout, le danger, ça serait une situation à la Yougoslave ou à la Libanaise. Et je suis inquiet parce que la Yougoslavie et le Liban ont éclaté en tant qu'État-nation, exactement sur ce genre de stratégie de diviser pour régner, de monter des tensions qui ont abouti à la guerre civile et à la destruction de l'autonomie et de la puissance de ces pays. la Yougoslavie, on le voit aujourd'hui complètement, et le Liban, que je présente un peu comme un espoir aujourd'hui, a été est tombé dans ce piège de la guerre civile et qui a détruit ce pays très prospère pendant des années, et aujourd'hui, grâce à la main tendue de Nasrallah et du général Aoun, c'est-à-dire d'un chrétien maronite et d'un musulman chiite, ils arrivent à nouveau à sortir du piège et à faire la paix. Et moi, je montre en fait cette réconciliation de Nasrallah et de Aoun comme l'exemple à suivre en France, plutôt que l'exemple très dangereux de la grande Serbie de Milosevic, ou de tomber dans ce piège qui en France correspond à la reconquista chrétienne et à cette idée qui est propagée aujourd'hui de façon, je dirais, grand public par Éric Zemmour, de façon plus extrémiste par les identitaires et de façon en ce moment assez ambiguë par notamment Marine Le Pen et en réalité de façon sournoise par toute la classe politique, UMP, PS, etc., y compris l'extrême gauche à travers le combat pour la laïcité, NPA, Caroline Fourest, enfin voilà, les gens qui sont lucides voient bien qu'aujourd'hui, tout le monde en France, plus ou moins discrètement et brutalement, veut se payer les musulmans qui seraient le problème, alors que il y a en France d'abord une grave crise économique qui vient d'abord de Wall Street, donc de l'empire dont je parle et qui est un empire anglo-saxon, judéo-protestant et capitaliste, et qui ne vient absolument pas du monde musulman. Et il y a par ailleurs en France d'autres problèmes qui sont des problèmes de chômage, d'immigration, de délinquance, d'identité française, qui sont des vrais problèmes, mais qui ne se réduisent pas du tout à la question musulmane. Voilà. Ben je crois au contraire que non. Je crois que si on ne prend pas le problème à bras-le-corps de manière honnête et, je dirais, virile, on ne s'en ressortira jamais. Donc moi, je suis là pour proposer une réconciliation dans l'honneur, mais pas par le mensonge. Il faut que chacun fasse un effort. D'abord, moi, je ne fais pas l'apologie de Jean-Marie Le Pen. Je refuse sa diabolisation, et notamment sa diabolisation en France par les Français, car il faut bien se rappeler que Jean-Marie Le Pen est d'abord montré du doigt par les Français. C'est les Français qui détestent, soi-disant, Jean-Marie Le Pen. À la limite, les immigrés, on leur demande jamais leur avis. On sous-entend qu'ils le détestent aussi, mais c'est surtout les Français qui le détestent, soi-disant, parce qu'ils seraient fascistes, nationalistes, etc., etc. Or, moi, je dis, Jean-Marie Le Pen est un leader nationaliste traditionnel qui défend son pays, attaché à ses valeurs, etc., et je trouve scandaleuse sa diabolisation. Et je dis, et je l'écris, que la diabolisation de Le Pen vient d'abord de son insoumission à certains lobbies communautaires et certains lobbies maçonniques français très puissants, et que c'est d'abord de là que vient sa diabolisation. Et la diabolisation médiatique est quelque chose de très puissant en France. Après, il y a le fait que Jean-Marie Le Pen, dans les années 50-60, s'est engagé du côté de ce qu'on appelait l'Algérie française et de la plus grande France, et qu'il s'est engagé militairement dans ce combat, et qu'il a combattu. Voilà, ça s'est passé à la fin des années 50-60. Lui, d'ailleurs, récuse l'idée qu'il est torturé. C'est de l'histoire, et c'était un militaire avec un uniforme. Il y a eu une guerre, il y a eu des combattants. À un moment donné, ces combattants ont signé la paix, l'histoire a continué à évoluer, et il y a eu, je dirais, une autre génération qui est née et qui n'a pas vécu ces combats. Voilà. Et moi, ce que je dis, c'est que je ne veux pas assumer le passé colonial de la France, bien que je le regarde honnêtement et froidement, mais je voudrais qu'à un moment donné, pour les gens qui sont nés en France à partir des années 70-80, qu'on arrête cette haine permanente qui est souvent manipulée d'ailleurs, ces discours de repentance, d'excuses ou même d'apologie, c'est ni apologie ni repentance, et que, en fait, la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des citoyens nés sur cette terre qui sont français parce que l'histoire les a fait français, que ce soit la colonisation, la décolonisation, les droits de l'homme, le rayonnement de la culture française, à la limite, tout ça s'additionne. Et est-ce que ces gens-là ont envie de vivre ensemble et de partager un destin commun, ou est-ce qu'ils ont envie de continuer à propager de la haine, à être manipulés, ou à être dans des situations très confortables qui sont toujours la situation de victimaire, etc. Voilà. Et je dis, moi, aujourd'hui, personne sur le territoire français, quand on prend ces deux catégories de gens très typiques qui sont, on va dire, les Français de souche et les Français d'origine immigrée, personne n'a vécu directement la colonisation ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais colonisé, et vous n'avez pas subi ma violence colonisatrice. Donc j'ai dit qu'il faut sortir de ce piège historique qui est surtout un piège dangereux pour nous tous, c'est ça que je veux dire, et d'ailleurs notamment pour les Français d'origine algérienne, parce que c'est les plus sensibles, parce que ça les empêche souvent de réussir leur vie en France. Voilà, ça les, voilà, c'est un frein à leur intégration, à leur réussite, à leur épanouissement, voilà. Et surtout, les Français souvent sont très énervés de se voir accusés de tas de choses qu'ils n'ont pas faites eux-mêmes, hein, parce qu'il faut bien comprendre que l'épopée coloniale a été vouée par une élite maçonnique de gauche liée à Jules Ferry. Clémenceau n'en voulait pas. Ni Lyautey, hein, ni la droite catholique, ni Clémenceau. Et en fait, elle a profité à des gens, à un petit groupe de gens, les riches, mais la totalité du peuple français, on ne lui a pas demandé son avis, il n'y est pas allé et ça ne lui a pas rapporté grand-chose. Hein. Voilà, c'est voilà, exactement comme quand on parle aujourd'hui de l'Algérie. L'Algérie est riche, effectivement, du pétrole et du gaz, mais cette richesse est très mal partagée. Il y a l'Algérie des généraux et l'Algérie du peuple, et on ne confond pas les deux. Eh ben, en France, il ne faut pas confondre la France des élites capitalistes ou des élites spoliatrices ou des élites colonialistes, c'est d'ailleurs les mêmes, ou aujourd'hui d'ailleurs, avec la continuité de Sarkozy et de ses ambassadeurs ultra-arrogants, comme on a pu le voir d'ailleurs en Tunisie. Ça, c'est la France de Sarkozy et des élites que j'appelle moi illégitimes et dont j'ai honte. Et puis, il y a la France du peuple français. Voilà. Et il ne faut pas faire l'amalgame. Moi, je ne fais pas l'amalgame entre le peuple algérien et les généraux algériens. Je ne fais pas l'amalgame d'ailleurs entre les musulmans et certains extrémistes musulmans manipulés. Et j'aimerais qu'en face, les honnêtes gens d'origine algérienne notamment, ne fassent pas l'amalgame entre le peuple français moyen, les ouvriers, les paysans, les petites gens de la France, et puis les élites colonialistes et néocolonialistes d'ailleurs, qui sont toujours là, c'est vrai, et que nous combattons nous aussi, que je combats moi, et que j'aimerais bien d'ailleurs que l'on combatte ensemble. Voilà, ma position est claire. Et Jean-Marie Le Pen, là-dedans, est un épiphénomène, un épouvantail. Il n'a jamais eu le pouvoir en France, il n'a jamais été que sous-officier. N'oubliez pas que quand il était sous-officier en Algérie, il était sous les ordres de Guy Mollet, du gouvernement socialiste de Guy Mollet et du ministre François Mitterrand. François Mitterrand, lui, qui a signé l'exécution de 40 résistants du FLN, à qui il a fait couper la tête, qu'il a fait guillotiner. Or, ce monsieur François Mitterrand est le grand patron du Parti Socialiste, qui a toujours dominé les banlieues et les immigrés en banlieue et les jeunes d'origine immigrée en banlieue depuis notamment les années 80-85. Or, je n'ai jamais vu personne accusé devant l'histoire François Mitterrand ou Guy Mollet, c'est-à-dire les socialistes, et j'ai toujours vu des gens manipulés, montrer du doigt Le Pen, qui n'était jamais qu'un petit exécutant et un combattant qui avait au moins la dignité de se battre lui-même et qui n'avait pas envoyé d'autres gens faire le sale boulot à sa place. Donc si on veut régler des comptes avec les méchants colonialistes, il faut d'abord montrer du doigt François Mitterrand et Guy Mollet, c'est-à-dire la gauche française, hein, le Parti Socialiste, et qui est remonté jusqu'à Jules Ferry, c'est-à-dire la gauche maçonnique française, et arrêter de tomber dans le piège de Jean-Marie Le Pen, qui n'est pas un saint homme, mais qui n'est jamais qu'un épouvantail pour certains, et surtout quelqu'un qui n'a jamais eu le pouvoir et qui n'a jamais décidé de rien en France. Donc il n'est pas responsable de la situation. Voilà. C'est ça que j'envoie comme message. Et c'est face à ces injustices et ces exagérations et ces malhonnêtetés que je défends Jean-Marie Le Pen. Je ne défends pas Jean-Marie Le Pen parce qu'il aurait pu, commettre des brutalités en Algérie. Je défends Jean-Marie Le Pen par rapport au mensonge général de la politique française sur l'histoire du colonialisme, de la décolonisation, et notamment ce mensonge véhiculé par les socialistes qui se présentent comme les protecteurs des immigrés alors qu'ils sont à l'origine de l'épopée coloniale, à l'origine de la répression au moment de la tentative de libération de l'Algérie par elle-même. Et c'est ça la culture historique qu'il faut avoir. Hein. Ceux qui ont commandité tout ça sont les socialistes historiquement, c'est vérifiable. Hein. Et François Mitterrand a 40 guillotinés sur la conscience. Pas Jean-Marie Le Pen qui est un combattant. Voilà, qui était un combattant. Voilà. Et c'était tout ça en 56-60. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en 2010. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il faut être honnête. Il faut rien regarder l'histoire en face, mais avec honnêteté et je dirais même virilité. Voilà. Et c'est ça ma position. Il me semble qu'elle est claire. Et les honnêtes gens la comprennent parfaitement. Ceux qui font semblant de ne pas la comprendre, il y en a. C'est en général qui sont, je crois, malhonnêtes, manipulés, et d'ailleurs souvent malhonnêtes. Et ils sont d'ailleurs aujourd'hui de moins en moins nombreux. Voilà.